Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bêtes, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, la baleine à bosse. Ce sont de grandes baleines, pouvant mesurer une quinzaine de mètres pour une trentaine de tonnes. Vous aurez beau chercher la trace d'une quelconque bosse sur leur dos, vous n'en trouverez pas. Car c'est leur manière de plonger, la tête la première avec le corps légèrement incliné sur le côté, qui donne cette impression d'arrondi. En matière de mammifères marins, ce sont les vraies stars de la recherche scientifique, probablement les cétacés les plus étudiés. À cela, deux raisons. Leur chant mélodieux et leur capacité à parcourir des milliers de kilomètres. En été, elles s'alimentent dans des zones proches des pôles pour ensuite venir se reproduire en hiver dans des zones tempérées, soit 16 000 km aller-retour par an. Une seule exception à la règle, un groupe de baleines à bosse qui vit à l'année au large d'Oman sans migrer. Se sont-elles perdues ? Ont-elles été mises à l'index par d'autres congénères ou tout simplement ont-elles trouvé l'équivalent de leur paradis ? Pour le moment, nul ne le sait. Mais revenons-en au chant des baleines. Contrairement à ce que disent encore de nombreux biologistes, les baleines à bosse ont bien des cordes vocales, même si leur système laryngé est très différent de celui des mammifères terrestres. Ce sont les mâles qui chantent. Les femelles et les baleineaux, eux, émettent des sons plus pauvres et plus courts, sortes de grognements ou de sons pulsés. Ces chants ont lieu uniquement pendant la période de reproduction, afin d'interagir avec les femelles et de délimiter leur territoire. Des mélodies qui peuvent être émises pendant des compétitions directes entre mâles. Les mâles se poussent latéralement, provoquent des rideaux de bulles spectaculaires, s'empêchent de respirer, se gênent dans leur nage. Tout est bon pour tenir à l'écart les concurrents et rester en tête à tête avec son objet de convoitise, la femelle baleine. À moins qu'on opte pour une autre stratégie de conquête, repérer une femelle isolée et la suivre. On appelle d'ailleurs ce type de mâle un escorte. Les chants des mâles sont composés d'unités sonores dont certaines sont répétées dans le même ordre, formant des sous-phrases qui elles-mêmes créent des phrases et qui donnent le leitmotiv du chant. Des chants qui évoluent au fil des années et varient selon les régions, au point où l'on peut même parler de transmission culturelle. Car il a été montré récemment que des phrases de baleines australiennes se retrouvaient dans la composition de chants de baleines originaires de Polynésie française, situées à plus de 6000 km. Prouvant par là que les baleines s'écoutent, s'influencent et prêtent une oreille attentive aux mélodies de leurs voisines baleines à bosse, si éloignées soient-elles. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité d'Olivier Adam de l'Université Pierre et Marie Curie et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.